encore laissez-le sans ton corps. Que ce soit pour les Yankees ou les Bitches, leur sponsor. T'es dans le crime et tu sais tu vas dans quel sens. Si mon aime sort, tu vas très vite changer de continent. Et je sais que tu me fais ce qui ne me dit pas non. À mon rêve et je suis en DBT, j'ai pas ma time. Dans la street, ça veut me séus pour un manche. Ce que tu vois dans les films, chez moi une réalité. Roule avec moi, mais faut que tu saches que tu prends des risques quand même. Je me sers des espoirs sur ton visage pour atteindre tes faiblesses. Si c'est la guerre que tu cherches, jusqu'au bout je t'emmène. On vient, on prend le fric négro, on se fait la malle. Bébé, reste fort et je veux que tu saches que je m'en vais loin de toi. Je suis trop fatigué, comprends-moi. Pour être chambre, je me noie. Je m'en vais loin de toi pour guérir mes blessures. Je suis prêt à donner ma vie s'il le faut. Je suis trop fatigué, comprends-moi. Pour être chambre, je me noie. Elle m'a dit, enfin je m'en vais parce que t'es pas là. Ça fait combien de temps que je t'attends? Je m'en bats les couilles de ton placement. Je t'ai connu, t'étais pas ça. T'as fait passer tout ça et tout. Ton cœur était si doux. On dirait que ce n'est plus toi. Je sais que mon odeur va te manquer. Qu'à un moment tu vas tomber. T'as beau faire tes bêtises, t'as beau baiser des bitches, t'es à moi.